بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc, mes frères bien-aimés, de par la grâce d'Allah Azzawajal et sa miséricorde, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours dans lesquels, ou bien à travers lesquels, nous faisons l'explication des plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous citons leur sens, leur portée et quelques-uns des jugements liés à ces derniers. Durant cette période, nous sommes en train de traiter un certain nombre de noms d'Allah Azzawajal, notamment Al-Ghafour et Al-Ghaffar et Al-Ghafir, les noms qui ont un rapport avec le pardon, Al-Afu, l'absoluteur, et Al-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Et ce nom, nous l'avons reporté pour un peu plus tard, Inch'Allah Azza wa Jal, si Allah le permet. Donc précédemment, nous avons cité un certain nombre d'enseignements concernant ces nobles et beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous poursuivons et nous citerons ce que notre Seigneur et Créateur, le Tout-Haut, le Bienfaiteur, nous a permis de réunir et de citer, Inch'Allah Jalla wa Ala. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que je place ma confiance et je l'implore succès, rectitude et droiture. Amin. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit-il, et parmi ceux-là, les noms, le pardonneur, le très grand pardonneur, le tout pardonneur, et ainsi que l'absoluteur, sont des noms dont leur sens a été éclair, apparent. Il a été dévoilé, expliqué, commenté par les gens de science. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa grandeur, de par sa science, de par sa capacité de faire ce qu'il veut, il a cité souvent ces noms, joints les uns aux autres. Des fois, il cite deux noms, un après l'autre. Des fois, il cite trois noms. Des fois, il cite un attribut et un nom, et un attribut et deux noms. Et les gens de science disent que le fait de citer un nom après un nom dans le Coran, ce n'est pas vain. Ce n'est pas juste pour faire beau, pour que ça rime, pour remplir l'espace vide. Non, Hasha Allah est bien au-dessus de cela. Au contraire, chaque nom qui est cité, il a été très minutieusement choisi et mis pour un sens. Et si après ce nom, il y a un deuxième nom qui vient juste après, ce nom également a été très très minutieusement et très très subtilement mis à cet endroit pour accentuer le sens du premier et pour également rajouter un nouveau sens qui pouvait ne pas être apparent au premier abord. Ce premier sens existait, ou bien ce second sens-là, le sens qui apparaît. En fait, il existait, mais il se peut que ce sens ne saute pas aux yeux et à la réflexion des gens. Alors Allah Azza wa Jal a cité ces noms un après l'autre pour relever ces sens, pour éveiller, pour attirer l'attention des gens vers ces sens. Un des exemples les plus clairs et les plus connus, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ces deux noms très proches dans leur sens. Et Allah Azzawajal a choisi de citer ces noms dans la toute première sourate de par laquelle commence le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Il s'est écrit comme étant le Seigneur des mondes, le Maître, le Roi suprême. Ensuite, il s'est écrit comme étant quoi ? Le tout miséricordieux, très miséricordieux, Ajib. On voit que le royaume d'Allah Azzawajal n'est pas basé sur le fer et le feu, comme beaucoup d'autres royaumes d'êtres humains. Le royaume d'Allah Azzawajal est bâti, conçu, ou bien se base essentiellement sur la miséricorde d'Allah. Donc, dans le Coran, le fait que certains noms d'Allah Azzawajal soient cités après d'autres noms, ceci enrichit le sens de ces nobles noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il m'est apparu important et pertinent dans ce cours de citer quelques exemples de versets où certains noms d'Allah Azzawajal sont cités avec les noms que nous venons de voir, principalement le pardonneur ou ses dérivés et l'absoluteur. Dans ses propos, vu qu'un certain nombre de gens de science ont dit que le pardonneur et l'absoluteur sont proches dans le sens, dans la portée. La différence entre eux deux est subtile. Alors nous, on fait comme si leur sens, on va sur cette base, que leur sens est proche et on ne différencie pas entre l'absoluteur et le pardonneur. On ne différencie pas trop entre Al-Ghafour et Al-Afou. Parce que ça a plus ou moins le même sens et la même portée. Ces deux nobles noms d'Allah Azzawajal ont été cités conjointement avec d'autres noms d'Allah Azzawajal, notamment des noms qui ont pour portée et pour sens la puissance d'Allah Azzawajal et l'omnipotence. On a Al-Aziz, le tout-puissant, bien le digne de puissance, et Al-Qadir, l'omnipotent, celui qui fait ce qu'il veut, celui qui peut faire ce qu'il veut. Et les gens de science ont dit que le fait que les noms d'Allah Azzawajal qui renvoient vers le pardon, lorsqu'ils sont réunis avec ces noms de force et de capacité et de puissance, rajoutent un sens ou bien font apparaître un sens qui existait déjà dans ces noms d'Allah Azzawajal, sauf qu'il pouvait ne pas être apparent au premier abord. Alors Allah Azzawajal les a fait apparaître et jaillir pour les gens à travers cette corrélation. Donc l'association des noms, Al-Aziz, le tout-puissant, le digne de puissance, et Al-Qadir, l'omnipotent, avec Al-Ghafour et Al-Afou, l'absoluteur et celui qui efface les pages, le pardonneur et l'absoluteur. Le nom d'Allah Azzawajal, Al-Aziz, est associé à son nom, Al-Ghafour, le Tout-Puissant, dans le verset suivant. Allah Azzawajal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre eux, le Tout-Puissant, le Grand Pardonneur. » Dans un autre passage, dans un autre verset, Allah Azzawajal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Si vous manifestez un bien ou si vous le cachez, ou si vous pardonnez un mal, alors certes, Allah est l'absoluteur omnipotent. » Allah est le tout-puissant, le grand pardonneur. Et Allah est l'absoluteur, l'omnipotent. Allah Azzawajal est le tout-puissant. Il est le digne de puissance. Il est l'omnipotent, celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, dans les conditions qu'il veut. Et rien qui s'empêche à Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, c'est le triomphant, c'est le roi suprême, c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut. Sauf que, donc ça c'est un attribut de perfection d'Allah Azzawajal. Rien ne peut, Allah Azzawajal n'est point incapable de faire quoi que ce soit. Au contraire, il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est un élément de perfection, de grandeur, de beauté, de majesté. Et cette beauté, cette majesté, cette grandeur, cet attribut de perfection est complété par un autre attribut qui montre que dans ce tout, Allah Azzawajal est parfait. C'est quoi cet attribut? C'est l'attribut de pardon et de l'absolution. Car en effet, être fort et triompher des autres et faire ce qu'on veut, c'est noble, c'est beau, ça relève de la grandeur. Mais s'il n'y a que ça, la personne qui a fauté, donc elle sera vouée à la perdition, à la première faute. Si elle a fauté plusieurs fois, ensuite, elle regrette, elle veut se racheter, elle veut revenir, elle veut se repentir, on ne lui pardonne pas. Ceci n'est pas possible. Donc s'il n'y avait que la force, que le triomphe, ça aurait été une perfection, mais cette perfection se complète avec l'autre perfection, qui est le pardon. En effet, pour bien comprendre la chose, il convient de voir ce qu'on connaît nous sur Terre et dans notre vie, à notre niveau. Il y a des gens qui ont le pouvoir, la royauté, la gouvernance. Il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des gens qui ont le pouvoir, je l'ai dit. Il y a des gens qui ont des armées derrière eux. Soit président, roi ou autre. Et des fois, certains parmi eux sont décrits comme étant des dictateurs. Le dictateur, il dicte ce qu'il veut et ce qu'il veut est fait dans le lieu de sa royauté. Le dictateur, il veut imposer une loi, personne ne veut dire non, on ne veut pas. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça? De manifestation. Non? D'opposition. Parce qu'il est dictateur, il a la force, il impose ce qu'il veut. D'un certain côté, ça a une certaine valeur. D'un certain côté, ça a une certaine valeur. Mais d'un autre côté, ceux qui sont sous son règne sont dans la peur constante. Ils ont la boule au ventre. Et à la première erreur qu'ils peuvent faire, qu'elle soit intentionnelle ou inintentionnelle, qu'elle soit volontaire ou par faiblesse, on pourrait presque dire que le sang se gèle dans leurs veines, tellement ils ont peur. Et vous savez, à notre époque, il y a des gens qui sont décrits comme ça. On ne fait pas de politique, on ne parle pas de nom. Après, Allahu a'lam, parce que des fois, on nous dit des choses et ce n'est pas forcément vrai. On dit ce que les gens disent, parce que c'est répandu et Allah, c'est lui qui sait. Donc ces personnes dictateurs que vous connaissez, et auxquelles vous pensez sûrement, on a vu des vidéos, on a vu des choses où la moindre erreur, un tel a été pris. Il est où? Personne ne l'a plus vu depuis ce jour-là. Donc, ces personnes ont cette force, cette qualité, encore une fois, d'une certaine manière, je ne suis pas pro-dictature. Hein. Ils ont cet élément de qualité, sauf qu'ils n'ont pas l'autre côté qui fait la balance. Une personne a fauté. Un militaire était en garde pendant des heures et des heures. Il était fatigué de par la... Il était fatigué. Il est tombé. Tu vas l'emmener en prison, tu vas l'emmener au peloton. Parce qu'il a faibli. Donc, ces personnes ont un élément de qualité, je dis bien un élément de qualité, sauf qu'ils n'ont pas l'autre part qui équilibre la chose et qui met la miséricorde et la vie et l'espoir dans le cœur des gens qui sont sous son règne. Allah Azzawajal est tout autre chose. Allah est beaucoup plus fort et beaucoup plus capable que ces personnes-ci. Son royaume est beaucoup plus grand, sa majesté et sa grandeur est beaucoup plus grande et beaucoup plus noble. Lui désobéir est énormissimement plus grave que désobéir à un dictateur qui va vivre 80 ans après il va mourir. Mais malgré cela, Allah Azza wa Jal, lorsqu'une personne faute envers une prescription d'Allah Azza wa Jal, et qu'ensuite cette personne reconnaît son erreur, demande le pardon, regrette et se repente, je lui pardonne. Et combien avons-nous vu de textes là-dessus dans les cours précédents, et vous les connaissez, alhamdoulilah. Donc, le fait que Allah Azzawajal s'est décrit comme étant le tout-puissant, le grand pardonneur, ça relève les deux perfections d'Allah Azzawajal, deux perfections qui se complètent. S'il aurait voulu faire subir un châtiment à ces personnes, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait de par miséricorde, de par bonté, de par perfection de sa part, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Azza wa Jal est fort et grand et puissant dans sa miséricorde. Et il est dans sa miséricorde, il est puissant et il est fort. Ça veut dire qu'il pardonne à qui il veut. Et lorsqu'il ne veut pas pardonner, lorsqu'il juge qu'il ne veut pas pardonner, rien ni personne ne pourra ni le reprendre, ni le forcer, ni le contraindre, ni rien. Alors qu'à notre époque, comme vous savez bien, comme vous voyez, des fois il y a des gens qui contraignent d'autres personnes. Même un président, des fois il est contraint à faire des choses, même un dictateur, des fois il est contraint, même un général. Des fois il y a des choses qui font qu'on arrive à le contraindre d'une manière ou d'une autre. Un pays plus puissant que lui, ou ses alliés qui sont plus puissants que lui, de qui ils dépendent, etc., etc. Donc tout ça pour dire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il pardonne, il pardonne parce que lui a voulu pardonner, pas parce qu'on l'a contraint à pardonner. Et s'il aurait voulu prendre la personne par un châtiment, rien ni personne n'aurait pu l'en empêcher. Donc, il est parfait dans sa royauté, dans sa puissance, et il est parfait dans sa miséricorde. Au niveau de la miséricorde, encore une fois, pour bien percevoir la chose, il convient de comparer cela avec l'être humain. Des fois, il y a des gens qui pardonnent. Il y a des gens qui pardonnent. Des fois, c'est par bonté. Des fois, ils peuvent imposer leurs droits. Mais des fois, assez souvent, ils ne peuvent pas. Des fois, ils ont peur. Je ne pardonne pas à un tel, imagine qu'est-ce qu'il va me faire. Imagine si je l'envoie en prison, je traîne dans le tribunal. Moi, j'ai ma femme. Moi, j'ai mes enfants. Qui sait qu'est-ce qu'il va leur faire? Et on a entendu ça. Combien de personnes? Non, reste tranquille, Mali, je pardonne. C'est que l'argent. C'est que, voilà, il t'a insulté, Mali, c'est pas si grave que ça. Et les meilleurs parmi ces gens, ils diront, il y aura un jugement Yom Qiyam. Donc, ce pardon est basé et fondé sur quoi? Sur une faiblesse. On ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça c'est autre chose. Mais si on voit le pardon d'Allah Azza wa Jal, il n'est pas basé sur une faiblesse. Parce que Allah Azza wa Jal ne gagne rien par les bonnes actions. Il ne gagne rien par les péchés. Il ne gagne rien du fait que les gens rentrent au paradis et il ne gagne rien du fait que les gens rentrent en enfer. Allah Azza wa Jal ne perd rien lorsque les gens font des bonnes actions. Allah Azza wa Jal ne perd rien lorsque les gens font des péchés. Allah Azza wa Jal ne perd rien lorsque les gens rentrent au paradis. Allah Azza wa Jal ne perd rien lorsque les gens rentrent en enfer. Donc, s'il pardonne, c'est par bonté et par grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceci concernait les premiers passages où le nom d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, se rejoignit à son nom, le Clément et le Pardonneur, subhanahu wa ta'ala. La deuxième coordination entre les noms d'Allah Azza wa Jal, qui concerne le pardon des péchés, c'est la coordination du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, avec son nom, Al-Rahim. ou bien l'un des dérivés des deux. Il a été dit que cette coordination a été citée 62 fois dans le Coran. Al-Ghafour al-Rahim. Le pardonneur, le miséricordieux. Le tout pardonneur, le tout miséricordieux. 62 fois dans le Coran. C'est beaucoup. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal a appuyé sur ces deux noms et le sens qui découle de ces deux noms. Parmi ceux-là, il y a le verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « Certes, mon Seigneur est tout pardonnant, très miséricordieux. » Cette association indique que, premièrement, que son pardon envers le serviteur, malgré le fait que celui-ci mérite le châtiment, n'est qu'un effet parmi les effets de sa miséricorde, béni et élevé soit-il. Deuxièmement, que les mentionnés ensemble réunissent à la fois le fait de débarrasser le serviteur des péchés, ce que signale le nom d'Allah Azza wa Jal al-Ghafour, le pardonneur, et le fait de l'orner de la grâce d'Allah Azza wa Jal et de sa récompense, ce que signale le nom d'Allah Ar-Rahim, le très miséricordieux. Allah Azza wa Jal s'est décrit comme étant Al-Ghafour Ar-Rahim, le pardonneur, le miséricordieux. Il pardonne quoi? Il pardonne les péchés. Les péchés faits par qui? Par le serviteur, créateur, créature d'Allah subhanahu wa Jal. Qu'est-ce qu'un péché? C'est le fait de désobéir, d'enfreindre les lois. De qui? Du Seigneur des mondes, du Roi suprême, du roi des rois, celui qui a la puissance, la force, la capacité de faire tout ce qu'il veut. Celui, si vous vous rappelez les deux introductions que nous avons faites au début de ces cours, concernant ces noms, nous avons dit que Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur qui ne doit pas être désobéi. Ce n'est pas un simple roi qui aura un règne, disons 50 ans, 80 ans. Non, c'est le Seigneur des mondes qui a toujours été vivant et qui sera toujours vivant. C'est celui qui a la puissance suprême, la capacité de toute chose, et il fait ce qu'il veut. Et en plus, c'est lui qui nous donne les bienfaits que nous avons. Et avec cela, le serviteur vient et lui désobéit, enfreint ses lois. Il lui dit « ne fais pas ça », il le fait quand même. Il lui dit « fais ça obligatoirement », il ne le fait pas. « Ne va pas là-bas », il va, ne fait pas. Donc, ces péchés, venant des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nécessitent, à juste titre, une réprimande ou un châtiment. Mais Allah Azza wa Jal est très pardonneur et grand pardonneur. Il pardonne. A-t-on besoin de plus? Tu fautes envers qui? Envers Allah, le Seigneur des mondes. Et je voulais dire, tu es quoi toi? Tu es moins que rien. Et ça, c'est trop pour nous. Dire que nous, êtres humains, on est moins que rien, on pourra faire, un ange juste peut faire ça de nous, ou même pas un ange. Et ça, c'est trop pour nous. Alors que dire d'Allah Azza wa Jal? Et malgré ça, Allah Azza wa Jal nous pardonne. Et si on venait faire qu'une seule erreur dans notre vie, malish, une seule erreur. Mais nous, ce n'est pas une seule erreur. C'est des erreurs avec beaucoup de S. Et on revient à des erreurs. Et des fois, c'est des grandes, grandes erreurs. Graves, graves erreurs. Et malgré tout cela, il nous pardonne. Peut-on demander plus? On ne peut pas. Sauf que lui nous donne plus. C'est le grand pardonneur, très miséricordieux. Vous vous rappelez avec moi que veut dire la miséricorde d'Allah? La miséricorde d'Allah, c'est un attribut d'Allah qui a pour effet de combler ses serviteurs par ses bienfaits. Ses bienfaits qui touche la vie ici-bas, la religion des gens et l'au-delà des gens. La santé que nous avons, c'est une miséricorde d'Allah. Le fait d'être guidé à l'islam, c'est une miséricorde d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés, c'est une miséricorde d'Allah. Le fait qu'Allah Azza wa Jal fasse rentrer ses serviteurs au paradis, c'est la miséricorde d'Allah. Donc la miséricorde d'Allah a pour sens tous les biens et tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs à quelque niveau qu'ils soient. De ce fait, Allah est pardonneur, le pardon est une forme parmi les formes de la miséricorde d'Allah. C'est un élément parmi d'innombrables éléments que renferme la miséricorde d'Allah. Et c'est pour ça qu'il a cité la miséricorde, ensuite, non, il a cité le pardon, ensuite la miséricorde, pour dire que le pardon fait partie de la miséricorde. Ça, c'est un premier sens très important. Le second sens est sublissime. C'est comme ça on dit ? Le second sens est incroyable. Rappelez-vous ce que nous venons de dire. Transgresser les lois du Seigneur des mondes, lui désobéir. Juste imagine ton père. Il te dit, ramène-moi de l'eau. Tu dis, je ne ramène pas de l'eau. Et alors que tu dépends de lui, tu habites sous son toit, c'est lui qui t'achète, c'est lui qui t'achète à manger, c'est lui qui te vêtit, tu as besoin de l'argent, papa, s'il te plaît, donne-moi. Il te dit, voilà, tu es devant l'eau, tu te dis, juste donne-moi un verre d'eau. Non, je n'ai pas envie, je ne te donne pas. Il y a des Maghrébins ici. Les Maghrébins savent ce que leur père aurait fait. Allah Azzawajal est beaucoup plus grand que cela. Transgresser ses lois, lui désobéir, enfreindre ses limites, c'est pas comme ton père qui te dit « donne-moi de l'eau » et tu lui donnes pas de l'eau. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Allah Azzawajal te pardonne. Tu viens repentant, tu demandes pardon, tu as des regrets, tu as des remords, allez. Des fois même pas. Des fois, juste, tu fais une bonne action. Parce que tu as fait une bonne action, il te pardonne ce péché. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, ton père fait des doigts pour toi. Toi, tu es dans l'insouciance. Ton père, il y a, oh Allah, pardonne à mon fils. Il te pardonne. Et des fois, Allah, c'est aussi, il te pardonne parce que lui décide de te pardonner pour une sagesse qu'il connaît. On peut demander plus. Mais Allah, c'est aussi, lui, nous donne plus. Il est tout miséricordieux, ça veut dire qu'il est pardonneur, tout miséricordieux. Ça veut dire, suite au péché que tu peux faire, Allah te pardonne et est miséricordieux envers toi. Qu'est-ce que sa miséricorde ? Ceci relève de sa bonté, de sa grâce. Ça veut dire qu'il va te donner. Tu as péché, juste tu as fait ce qu'il faut. Tu ne t'obstines pas dans le péché. Tu demandes pardon, tu te réformes, tu fais ce qu'il faut. Certes, ton péché sera pardonné et en plus, il te comblera de ses bienfaits. Ajib. Avec ça, on refuse de mettre le front sur le sol. On se dit que non, personne ne mérite que je mette mon front sur le sol. Est-ce que avec toutes ces bontés, ces grâces venant de lui, subhanahu wa ta'ala, sa perfection, on se refuse de lui obéir, de faire des efforts, de se réveiller lorsque on dort pour faire la prière, de sortir lorsqu'il fait froid pour lui obéir. Vous voyez comment est énormissime les bontés d'Allah Azza wa Jal envers nous, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela. L'association des noms d'Allah Azza wa Jal, le reconnaissant et le tout pardonnant, pardonneur. Le reconnaissant, Al-Shakur, c'est un nom parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Et il a pour sens, entre autres, c'est celui qui récompense grandement et amplement pour les bonnes actions. Tu fais une petite bonne action, Et lui, il te donne énormément en retour. Allah est Ghafour en Shakur. Allah est Ghafour, pardonneur, et remerciant. Là, ça veut dire qu'il est pardonneur, il te pardonne tes péchés. Et il est Shakur, donc tu as fait un péché, il l'efface, ton péché n'est plus, et les effets de ton péché ne sont plus. Et il est Shakur, ça veut dire que les bonnes actions que tu fais, aussi minimes soient-elles, il peut amplifier énormément la récompense. Et vous connaissez le hadith que lorsqu'une personne fait un péché, Allah Azzawajal ordonne à ses anges de ne l'écrire que jusqu'à un certain temps. Et si la personne se repent, ce péché n'est même pas écrit. S'il ne s'est pas repenti, on lui écrira un seul et unique péché. Alors que celui qui fait une bonne action, elle est systématiquement multipliée par 10. Systématiquement. La moindre des bonnes actions que tu fais, sa récompense est multipliée systématiquement par 10. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jalla la multiplie jusqu'à atteindre 700 fois le nombre. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jalla la multiplie encore plus que 700 fois. Un nombre inestimable et indéfini, c'est Allah qui choisit. Donc, Allah, il est Shakur, reconnaissant. Quand tu fais une petite action, ça peut devenir une montagne de bonnes actions. Alors que tes péchés, il te les efface. Il te les pardonne. Il les absout. Al-Shakur rentre dans son sens aussi le fait que une fois que tu as fait un péché, regarde, subhanallah, combien de bienfaits qu'Allah nous accorde suite à un péché, à une désobéissance. Ça peut être le point de départ d'un grand bienfait qui peut te toucher. Toi ou autre que toi. Petite parenthèse, ce n'est pas nous qui jugeons. Le sort des gens n'est pas entre nos mains à nous. Tu vois une personne qui fait un péché, ne va pas dire toi tu vas en enfer. Ne dis pas que quand tu vois une personne faire une erreur quelle qu'elle soit, ne dis pas c'est la khlas, c'est fini pour elle. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui tranche. C'est Allah qui juge. Et vous connaissez les récits à ce sujet-là. Donc, le départ est un péché. Tu fais ce qu'il faut, ou bien Allah t'accorde sa bonté. Il te pardonne. De par sa reconnaissance, sa bonté, il peut faire en sorte que ce péché devienne, se transforme en hasanat. Nous avons vu quelques éléments là-dessus, que ce soit le verset coranique ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le péché, tu as menti, tu as volé, tu as regardé ce que tu ne devais pas regarder, tu te repens, tu regrettes, tu demandes pardon. Cette chose-là qui était, disons, noire, obscure, mauvaise, elle devient illuminée, blanche, bonne, elle devient des hasanat. Pas une, des hasanat. Allah ghafourun shakur. Il est pardonneur et il récompense abondamment. Il donne par abondance. Subhanahu wa ta'ala. L'association du nom d'Allah Azza wa Jal, le tout aimant, au pardonneur. Allah Azza wa Jal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée du sens du Coran, « Certes, la saisie de ton Seigneur est terrible. C'est lui qui commence et recommence. Et c'est lui le tout pardonnant, le tout aimant. » Le tout aimant, l'amour d'Allah Azza wa Jal, cité dans ce nom Al-Wadud, les gens de science, Ibn Qayyim a dit que c'est l'amour pur, l'amour pur et saint. Allah Azza wa Jal, il est pardonneur, tout aimant. Pour pardonner, il faut qu'il y ait péché. Qui dit péché dit désobéissance, transgression. Allah Azza wa Jal, envers celui qui fait des péchés, il est pardonneur. Il pardonne. Et en plus, il est aimant. Ça veut dire il aime. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah est pardonneur et aimant. Allah aime celui à qui il pardonne. Qui est-il? Celui qui a désobéi à Allah, celui qui a péché. Hajib. Comment ça Allah peut l'aimer? Il y a une partie du sens qu'on peut très aisément comprendre. Allah lui a pardonné, donc il n'a plus de péché, donc il est sur la droiture. Allah l'aime. Allah aime les bienfaisants, Allah aime ceux qui ne sont pas dans le péché. Ça se comprend. Mais est-ce que Allah peut l'aimer avant, alors qu'il a fait le péché? Certes, oui. Comment ça? Il fait un péché, Allah l'aime. Naam. Si Allah ne l'aimait pas, est-ce qu'il l'aurait guidé, est-ce qu'il lui aurait donné la facilité et la réussite pour se repentir? Il y a des gens qui font des péchés mais qui ne se repentent jamais. Il y a des gens qui sont dans la mécréance et ils refusent. Je lui dis voilà, un proche, un ami, un camarade, un collègue, un voisin, une voisine, un parent. Tu lui dis l'épreuve, regarde. Non. Est-ce qu'il y a une chose qui ne te plaît pas? Non. Et pourquoi? Non. Il y a des gens également qui font des péchés et ils ne veulent pas regretter. Dis-moi, je l'ai fait en âme et conscience. J'ai voulu le faire, je l'ai fait. Repends-toi, regrette. Non. J'ai voulu le faire, je l'ai fait, salam. Tu risques qu'il arrive. Ça, c'est des gens vraiment qui sont comme ça. Et certaines personnes, parmi eux, ils peuvent te dire que si c'était à refaire, je le referais. Une fois je l'ai fait, je ne regrette pas ce que j'ai fait, et s'il y aurait des conditions qui feraient que je peux refaire la chose, je la referais. Donc, il y a des gens qui ne regrettent pas, qui n'ont pas, qu'Allah ne les guide pas au repentir, au regret, à la réforme. Donc cette personne-là qui a fait un péché, quel qu'il soit, et qu'il est revenu, repentant, demandant le pardon, il a fait des bonnes actions, c'est qui a géré et administré tout cela? C'est pas Allah. Cela veut dire que Allah Azza wa Jal aimait cette personne. Et il a géré ses affaires, il a administré ses affaires de manière à ce que cette personne ne soit pas les salars. Naam, jazakallahu khairan. Que cette personne ne soit pas persistante dans le péché. Donc, Allah aimait cette personne. Bien sûr, Allah n'aimait pas le péché. Allah n'aime pas le péché. Allah n'aime pas la personne lorsqu'elle est en péché. Lorsqu'une personne fait le péché, la foi sort de son cœur. Quand tu fais un péché, à ce moment-là, tu n'es pas péché. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ne fais pas la fornication. Celui qui l'a fait pendant qu'il l'a fait, celui qui fait la fornication pendant qu'il l'a fait, à ce moment-là, il n'est pas croyant. Les savants disent que la foi n'accepte pas d'être dans le cœur d'une personne qui fait le péché. Elle s'élève. Donc, lorsque la personne insulte, vole, ment, trompe, trahit, fait, dans cet état, Allah n'aime pas la personne. Mais Allah est parfait. Allah donne à chaque chose le jugement qui lui est le plus adéquat. En faisant le péché, Allah n'aime pas cette personne, mais Allah, dans la globalité, aime cette personne, donc guide cette personne et fait en sorte que cette personne regrette ce qu'elle a fait. Invoque Allah, se repente, que cette personne fasse des bonnes actions. Elle a fait un péché, elle l'a oublié, Allah lui permet de faire le Jumu'ah, ce Jumu'ah et Jumu'ah d'après. Après, Allah va effacer les péchés qui sont entre les deux. Allah veut lui permettre de faire le ramadan passé et le ramadan prochain. Allah lui pardonnera les péchés. Allah fera que cette personne ira faire le hajj. Elle lui pardonnera tous ses péchés. Allah fera en sorte que sa mère lui invoque pour lui. il a aidé une personne dans une affaire, il a sorti une personne d'une galère, cette personne va invoquer pour lui, Allah acceptera l'invocation. Etc, etc. Donc, il se peut que la personne qui fait un péché, il se peut qu'Allah l'aime. Et de cet amour d'Allah Azza wa Jal, il lui pardonne et il le comble de ses bienfaits. Donc vous voyez, encore une fois, ce n'est pas trop de répéter cela, mais c'est important de voir dans tous ces détails la beauté de notre Seigneur, sa grandeur, sa majesté, sa suprématie, sa perfection dans toutes choses. Et vous voyez comment la parole d'Allah est parfaite. Lorsqu'il cite un nom, juste après un nom, on apprend des choses. Il y a des enseignements qui jaillissent, qui apparaissent et qui enrichissent le sens qu'on a pu connaître auparavant. Nous implorons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de nous accorder de ses bienfaits. On s'arrête là aujourd'hui, inshallah azza wa jalla. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits, sa miséricorde, sa clémence, son indulgence. Subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Jazakum Allahu khayran. Barakallahu fikum. Nas'alu Allah Azza wa Jal an yughdiqa alayna ni'amahu zahiratan wa batinatan. Nahnu wa walidina wa ahalina. Wa an yaghfira wa yarhama kulla muslimin wa muslimatin. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. S'il y a des questions, sinon. N'importe. Salam alaikum. Est-il préférable de pardonner lorsqu'on y est contraint, représailles, crainte, entre parenthèses, représailles, crainte, alors que le pardon n'est pas sincère ou de ne pas pardonner malgré les conséquences que cela peut engendrer? Donc, le pardon, pour qu'il soit un pardon, il faut qu'il soit sincère. Pour que le pardon soit un réel pardon, il faut qu'il soit sincère. Je ne peux pas ne pas te pardonner intérieurement et dire avec la langue que je te pardonne. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc, soit tu pardonnes réellement et effectivement, et si tu le fais dans les bonnes conditions, tu le fais pour Allah. Soit tu n'arrives pas, tu ne peux pas pardonner, tu ne pardonnes pas. Mais ne trompe pas, ne mens pas. Parce que si aujourd'hui, un tel fait du mal à telle autre personne, et qu'après la personne lui dit, voilà, j'ai fait ça, pardonne-moi. Elle lui dit, je te pardonne. Mais au fait, elle ne lui a pas pardonné. Il se peut que l'autre personne se base sur cela. Et elle ne cherchera pas à se racheter, se rattraper plus tard. Khlas, il m'a pardonné ou elle m'a pardonné, salam, khlas, alhamdoulilah. Mais si au contraire, cette personne dit non, je ne peux pas te pardonner ou bien je ne veux pas te pardonner. Donc l'autre personne sera soucieuse. Elle aura constamment ce poids sur le cœur. Elle aura toujours ce fardeau sur le dos. Et elle cherchera jusqu'à la fin de ses jours comment se faire pardonner. Soit directement envers cette personne, elle cherchera des moyens, des moyens, des moyens. Sinon, si c'est mort avec cette personne, elle cherchera d'autres moyens. Elle reviendra vers Allah, Azza wa Jal. Comme les savants disent, elle fera des du'as pour l'autre, elle donnera des sadaqas pour l'autre. Et elle invoquera Allah, elle fera les actes susceptibles de par lesquels Allah, Azza wa Jal, lui pardonne. Donc, le pardon, c'est une noble action. C'est une bonne action. Et si Allah le permet, on verra plus tard, dans les prochains cours, que parmi les moyens d'avoir le pardon d'Allah, c'est de pardonner aux serviteurs d'Allah. Tu pardonnes, on te pardonnera. Plus tu pardonnes, plus tu peux espérer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, l'être humain est l'être humain. L'être humain est l'être humain. Il a ses limites. Tu ne peux pas pardonner. Ton cœur ne te permet pas cela. C'est ton droit. Tu n'as pas atteint un haut degré de foi. Tu auras perdu quelques degrés d'élévation dans la foi. Mais tu es dans ton droit. Wallahu azza wa jalla a'lam. جزاكم الله خيرا. نعم. Est-ce que les autres hadiths qui utilisent à peu près la même formulation n'est pas croyant celui qui... Est-ce qu'on doit comprendre dans le même sens l'exemple que vous avez dit ? Comme quoi on n'est pas croyant au moment où on commet cet acte ? Non, non. Les autres hadiths, en général, ceux qui me viennent en tête actuellement, lorsqu'il dit « n'est pas croyant celui dont le voisin n'est pas rassuré de son mal », par exemple, là, le sens est qu'il n'est pas croyant au sens qu'il n'a pas atteint la perfection de la foi. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça se rejoint, parce que lorsqu'une personne fait les péchés, il n'a pas, il n'est pas dans la perfection de la foi. Mais là, le hadith, là, c'est autre chose. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك